Une rivière reçoit la pluie qui mouille les rochers sur lesquels on frappe d'un bruit sourd. Et les raisins noirs flottent sur l'eau. C'est le cadavre de la forêt, le lendemain de sa brûlure.